m'a fait. Ya yeah. Et patati et patata. Yo qu'a raconté bullshit et tralala. Tête là j'ai rempli et tracas. Un pan magie, ni abracadabra. Négo à la laï, patati et patata. Yo qu'a raconté bullshit et tralala. Tête là j'ai rempli et tracas. Un pan magie, ni abracadabra. Négo à la laï. Bienvenue Guadalupe. On paquet acte, yo tout à dans wall. Yo tout ka fait jactel, yo ka dit yo c'est thug. Mais yo crime qu'on l'actel, yo ka dit yo c'est plug. Mais yo pas même ni yo plaque, tout c'est was en wayom. Ou pas ni pour parler, ou c'est voyou en gel. Ou c'est pute qu'on ta zone gel. Ou pas j'ai fait la vie, pas qu'on est caille la vie. Ou pas qu'on est carré, ou c'est juste ton chien garé. Là ou paré, en paré, là en parlé, en parlé. Là en juif ou valé, addition la caisse allée. On y m'a révélé faux, on y m'a révélé fake. Ou qu'a fait passer pour ogre, mais bitch ou c'est on fait. Non pas qu'on est vous en cité, là nous nous toujours à citer. L'horizon qu'on favela fri pour les frères ou en moins. Nous pas d'un bon cinéma, pas ni réalisateur. Pas bise faire un schéma, un pas dessinateur. Patati et patata. Yo qu'a raconté bullshit et tralala. Tête là j'ai rempli et tracas. Un pan magie, ni abracadabra. Négo à la laï. Patati et patata. Yo qu'a raconté bullshit et tralala. Tête là j'ai rempli et tracas. Un pan magie, ni abracadabra. Négo à la la. Yo qu'a menti si fia yo. Yo qu'a menti si sexe a yo. Qu'a dit yo fait ça ici. Mais tout ça c'est menti a yo. Un game la baguette mito. Qu'a servi ou ça la des pipo. Yo qu'a veillé pas finette. Ça ou qu'a fait ça ou qu'a filmé. Si ou rêvé on filmé. Yo qu'a fait toute la semaine. Et patati et patata. Yo a de baguette tralala. Tête là rempli et tracas. Fuck you abracadabra. Négo à la la. Négo à la base, l'accusé à la barre. Les putes sur le trottoir, de ta tête va la balle. Pour prier il est trop tard, tu connais pas la cavale. T'as bois derrière la caravane, motivé par la faim. Viens goûter à ta rafale, président Yasser Arafat. J'ai dit j'avais la frappe, faut que la bac et la fac. T'es sur le banc comme Ben Alpha. Capitaine je garde le cap, liquide osé, capitaine Krabs. Tu nous dois, on t'attache, manque nous de respect, on t'attrape. Patati et patati. Patata, yo qu'a raconté bullshit et tralala. Tête là j'ai rempli et tracas. Un pan magie, ni abracadabra. Négo à la laï, patati et patata. Yo qu'a raconté bullshit et tralala. Tête là j'ai rempli et tracas. Un pan magie, ni abracadabra. Négo à la la. Et patati et patata. Yo qu'a raconté bullshit et tralala. Et tralala, tête là j'ai rempli et traka. Un pan magie, yabracadabra. Négo à la la. Et patati et patata. Yo qu'a raconté bullshit et tralala. Et tralala, tête là j'ai rempli et traka. Un pan magie, ni abracadabra. Négo à la la. Bang!